Le vivant et la machine. Une émission spéciale de Radio Zinzine. Le vivant et la machine, ou plutôt le vivant, la machine et l'homme. C'est le titre de la brochure écrite par Bertrand Loire dont on va parler dans cette émission. Donc il s'agit d'un texte qui décortique l'histoire d'une science qui est la biologie et on y découvre comment une certaine façon de considérer la biologie et donc son objet qui est le vivant participe à façonner la vision du monde de la société capitaliste industrielle. Bonjour Bertrand, on va parler dans cette émission d'un travail que tu as commencé il y a plus de 10 ans. Bah ouais, j'avais commencé ça à m'intéresser un peu à la biologie et en fait j'avais fait des études de biologie à l'université que je n'avais pas poursuivi très longtemps parce que l'enseignement des sciences à l'université est assez dogmatique on pourrait dire. À partir de la fin des années 90, début des années 2000, j'ai participé à l'opposition aux OGM en France et puis un petit peu aussi dans les quelques pays alentours. À cette occasion-là, je me suis remis à mes études de biologie pour essayer de comprendre comment ces OGM avaient été mis au point, pourquoi, etc. Sur quel type d'idées par rapport au vivant ces recherches-là aboutissaient à ce genre de produits. Et surtout, c'était en 2001, c'était à Montpellier, il y avait le procès de René Riesel et Beauvais, qui venait juste de détruire une expérimentation de riz transgénique. C'était au CIRAD, c'était à Montpellier, donc un organisme de recherche publique. À cette occasion-là, parmi les rares scientifiques qui soutenaient les inculpés, il y avait André Pichot, qui est un historien des sciences, qui est très critique vis-à-vis de la biologie moderne. Et du coup, c'est un peu grâce à ses travaux que je me suis remis à la biologie et à l'histoire de la biologie, mais d'une manière beaucoup plus critique et beaucoup plus pointue que ce qu'on peut faire à l'université, quoi. Alors avant de parler d'André Pichot, en fait, pour situer, on connaît un peu ta voix pour les auditeurs de Radio Zinzine, parce que déjà tu participes régulièrement aux infos du soir, mais tu as commencé aussi à faire une série d'émissions sur les thèmes qui t'intéressent plus particulièrement. Ça tourne autour du rapport entre la machine et l'homme. Ouais, donc je participe à Radio Zinzine, je vis à Longomaille aussi, mais je travaille beaucoup comme menuisier. Et avec la menuiserie, on voit un peu le rapport entre les métiers, le vivant, puisque le bois c'est un matériau vivant, même mort. Et du coup, ouais, les émissions à Radio Zinzine, j'essaie de faire un peu sur les thèmes de la critique de la science, des technologies et de la société industrielle aussi, puisque tout ça, ça constitue une espèce d'ensemble dans la civilisation dans laquelle on vit. Voilà, on ne peut pas détacher un aspect de l'autre, quoi. C'est ce qui se passe au fil de cette brochure. Donc on part d'une science qui s'appelle la biologie pour arriver à une critique de la société capitaliste. Et industrielle, oui. Enfin, ce qui m'avait frappé dans ce que raconte Pichot et aussi quand on s'intéresse un peu à la biologie, c'est que la biologie, c'est la science qui étudie les êtres vivants. Et cette science, finalement, depuis environ 2 siècles qu'elle existe, elle n'a toujours pas de définition de son objet, c'est à savoir les êtres vivants. La biologie moderne ne sait pas ce que c'est que les êtres vivants. Et c'est un truc assez étonnant. Et c'est vraiment à partir de cette interrogation-là que André Pichot a fait son travail historique pour essayer de comprendre comment on en était arrivé là. Et c'est un peu le fil directeur aussi de la brochure que j'ai écrite et qui cherche à synthétiser un peu l'œuvre de Pichot, qui est quand même assez considérable. Et aussi, c'est un peu le point de départ à partir duquel on essaye de faire une critique de la société industrielle, justement en tant que cette société capitaliste et industrielle est fondée sur une vision du vivant qui n'est pas du tout... Qui est mortifère en fait, qui est morbide et mortifère, et qui aboutit à la crise écologique et sociale dans laquelle on vit maintenant, quoi. Donc la brochure, elle s'appelle « Le vivant, la machine et l'homme ». C'est l'édition de 2013, mais en fait, il y a eu... tu as édité déjà plusieurs brochures, donc on pouvait trouver sur les infokiosques. Ça s'appelait d'abord « L'autonomie du vivant ». Ouais. Et puis, donc petit à petit, tu as enrichi. Le projet, c'est d'aboutir à un livre. Ouais. Et d'ici quelques années, j'espère. Ouais. Parce que ça fait quand même une dizaine d'années que je bosse là-dessus. J'ai fait plusieurs brochures un peu sur les différents thèmes qui sont abordés parfois un peu rapidement dans cette brochure. Mais surtout, voilà, la biologie, c'est un sujet extrêmement vaste dans lequel je me suis parfois un peu perdu. Là, cette dernière brochure, Le vivant, la machine et l'homme, j'estime avoir ici une synthèse des principaux thèmes, des principaux arguments que j'espère développer plus avant par la suite. On a un bouquin assez fourni. Là, la brochure, elle fait quand même une soixantaine de pages. Mais voilà, ça donne une idée assez générale des thèmes que je voulais aborder. Et bon, bah voilà, s'il y a des passages qui sont pas clairs, on peut toujours venir me voir pour me poser des questions. Revenir au travail d'André Pichot qui m'a beaucoup inspiré puisque il a fait un travail d'historien assez fouillé. Il a écrit depuis les années 80 une douzaine d'ouvrages sur l'histoire de la biologie. Ça doit représenter assez facilement 3000 pages écrites, quoi. Donc là, enfin, j'essaie de synthétiser dans la première moitié de cette brochure ce qu'il essaye de mettre en avant. Et donc effectivement, Pichot, il parle du fait que la biologie moderne n'a pas de définition de l'être vivant, et que à partir de là, au cours des 2 siècles de son existence, la biologie voit s'imposer une conception de l'être vivant qui l'assimile à une machine. L'être vivant est considéré comme une machine. Et bon, alors évidemment, nombreux biologistes à qui on dit ça diront ah oui, mais c'est pas vrai, on sait bien que l'être vivant est une machine très compliquée, etc., etc. Puisque les biologistes sont eux-mêmes des êtres vivants, donc ils ont au moins l'intuition qu'ils ne sont pas eux-mêmes des machines, on pourrait dire. Mais néanmoins, dans les articles, dans les publications, dans les ouvrages de vulgarisation aussi, c'est toujours plus ou moins le modèle de la machine qui revient et qui s'impose de fait parce qu'il n'y a pas d'autre définition claire, précise et qui fasse l'unanimité pour les êtres vivants. Donc voilà, c'est un peu en quelque sorte par défaut, faute de mieux, que cette idée du vivant comme machine, elle s'impose dans les esprits, même si il y a toujours plein de chercheurs ou de biologistes ou de scientifiques qui seront prêts à mettre énormément de bémols à ce truc-là. Mais néanmoins, comme ils sont pas capables de proposer une définition de l'être vivant qui soit cohérente, c'est toujours le modèle de la machine sous différentes formes qui revient et qui finit par dominer dans le discours de la biologie, quoi. Et donc voilà, en gros, Pichot. Bon, il retrace l'histoire de la biologie depuis 2 siècles et comment cette idée du vivant comme machine s'est imposée. Et d'une certaine manière, il identifie ce qu'un philosophe des sciences qui s'appelle Georges Canguilhem a appelé des idéologies scientifiques. C'est-à-dire, en fait, bon, voilà, la biologie n'a pas de définition très rigoureuse de son objet, et du coup, elle importe d'autres domaines, y compris du domaine social et politique, des idées pour essayer de comprendre les êtres vivants. Et bon, voilà, là, dans la brochure, moi, je liste les trois principales, c'est-à-dire le darwinisme, c'est-à-dire la théorie de l'évolution telle qu'on la connaît maintenant. Il y a ensuite la génétique qui commence au début du XXe siècle. Et enfin, ce qui est la théorie dominante maintenant, c'est-à-dire la biologie moléculaire, avec voilà, tout ce qui aboutit justement aux manipulations génétiques, aux OGM, à la procréation médicalement assistée, et peut-être dans l'avenir à ce que Henri Atlan, qui est un biologiste assez connu, qui appelait l'utérus artificiel pour obtenir la procréation complètement séparée de la sexualité. Mais bon, ça c'est encore. Il faut espérer que ça ne sera pas mis au point, mais bon. Il n'y a pas cette idée aussi pour les gens qui étudient cette science-là de la mettre sur le même plan que les sciences dites dures, Ah oui, qui sont extrêmement précises, où on cherche des lois universelles qui sont toujours reproductibles et qu'en fait, le problème qu'on a avec le vivant, c'est qu'il est pas, il a un côté imprévisible. Ouais, cette tendance-là, au début de la biologie, au 19e siècle, c'était encore une science très descriptive, on pourrait dire, qui essayait de faire un peu l'inventaire des particularités des êtres vivants. Mais au fur et à mesure que le temps passe et que les connaissances se cristallisent, on pourrait dire, il y a la volonté de la part des biologistes de se calquer sur la physique, qui est au 17e siècle à l'origine de la méthode scientifique expérimentale. C'est-à-dire vraiment le côté. On isole les phénomènes, on les mesure, on les quantifie, on essaye à partir des expériences qui sont faites et des réactions qu'on obtient de mathématiser le comportement des objets, des corps, etc. Et à partir de là, on tire des lois de la nature, entre guillemets, et on peut ensuite construire à partir de ces lois de la nature des machines qui permettent de continuer l'investigation de plus en plus loin. Et la biologie, donc, elle a suivi un peu ce mouvement, surtout à partir de la fin du 19e siècle, avec vraiment la volonté d'obtenir des applications dans tous les domaines. Et donc, elle se calque de plus en plus sur la physique. Bon, il y a les applications en biologie, à la fin du 19e, c'était surtout, on en parle à l'antenne de Radio Zinzine, c'était la zootechnie qui allait remplacer l'élevage, où là vraiment il y a la volonté de dire que voilà, les animaux sont des machines, on peut leur faire cracher du rendement en utilisant telle et telle méthode quantitative, etc. Il y a eu d'autres trucs aussi, mais bon, c'est surtout avec la génétique aussi, il y a eu beaucoup de volonté d'application à la société, avec l'eugénisme notamment, une tentative de rationaliser la production de l'être humain, etc., qui date bien avant du nazisme. Hein, c'est pas du tout. Le nazisme n'a fait que porter à son extrême une espèce d'idéologie scientifique autour de l'eugénisme et du darwinisme social, qui existait déjà à la fin du 19e, et qui, bon, pour les premières mesures eugénistes, c'était aux États-Unis en 1907. Enfin voilà, il y a tout un ensemble comme ça. Et de nos jours, la biologie moléculaire, elle a vraiment la prétention à être une science très proche de la physique, ou en tout cas de la biochimie, avec vraiment le côté on va au cœur de la matière vivante, c'est-à-dire l'ADN, les protéines, les molécules, où là c'est vraiment un objet qui est à la fois quantifiable, relativement stable, etc., etc. Et donc tout le côté. Enfin, maintenant, il y a beaucoup de biologistes moléculaires qui travaillent sur des plantes, des animaux, etc., mais qui ignorent totalement comment ces plantes ou ces animaux existent dans la nature à l'état libre, quoi. Il y avait même une blague, c'est un biologiste moléculaire et son pote qui se baladent dans la forêt et qui devisent ensemble sur leur science, etc. Puis à un moment. L'ami du biologiste moléculaire lui dit: Ah, tu connais cette plante qui est là sur le bord du chemin? Et l'autre dit Ah non, moi tu sais, la botanique, je connais pas grand-chose, etc. Et l'autre lui dit Ah mais oui, cette plante c'est celle sur laquelle tu travailles en laboratoire depuis 10 ans, quoi. Et c'est à peu près ça, quoi. C'est vraiment le côté on travaille sur des êtres vivants qui sont plus des êtres vivants au sens où ils font partie d'un environnement et d'un écosystème, etc., quoi. Pour en revenir à Darwin, tout le monde connaît Darwin pour sa théorie de L'évolution, l'évolution. ouais. T'en donnes une vision un peu plus critique en le comparant à Lamarck? Enfin, en comparant, c'est en essayant de faire un contraste entre les deux, parce que bon, la biologie, ça a été inventé, enfin le terme en tout cas, et la science elle-même ont été inventés par Lamarck en France en 1802. C'est la première fois qu'il utilise le terme au sens où ça désigne une science autonome par rapport à d'autres sciences qui existent à l'époque, comme l'anatomie ou la botanique, etc., etc. Là, il en fait vraiment la science qui étudie les êtres vivants en tant qu'ils sont vivants, c'est-à-dire qu'ils sont différents des objets inanimés ou des machines. Il essaye de comprendre en quoi les êtres vivants sont différents des objets qu'étudie la physique. Lamarck a une approche très, pour dire, philosophique de la biologie. Son principal ouvrage, La philosophie zoologique, il est publié en 1809. Et en 1809, c'est aussi la naissance de Darwin. Et 50 ans plus tard, c'est la publication par Darwin de L'origine des espèces, c'est-à-dire le livre dont on a fait le livre fondateur de la théorie de l'évolution, alors que Lamarck avait déjà fait une théorie de l'évolution 50 ans auparavant. Et en fait, les approches entre Darwin et Lamarck, elles sont très différentes. Et c'est deux projets assez, très différents en ce qui concerne les êtres vivants. La théorie de Lamarck sur l'évolution, elle prend pour point de départ justement de savoir qu'est-ce que c'est qu'un être vivant. Et son idée principale, c'est ce qui différencie les êtres vivants des objets inanimés qu'étudie la physique, c'est d'abord leur organisation interne qui est la source de leur activité autonome. C'est-à-dire que les êtres vivants chez Lamarck, c'est d'abord et avant tout des êtres qui sont actifs, qui ont une activité interne, une dynamique interne qui leur permet d'avoir un comportement pour les animaux et de se diffuser pour les plantes, par exemple. Chez Darwin, l'approche est complètement différente. Darwin cherche à comprendre d'abord et avant tout l'adaptation des êtres vivants à leur milieu. Darwin, il a un peu raté ses études de médecine et son père, qui était fort fâché, il envoie faire des études de théologie à Cambridge. Et donc Darwin fait des études de théologie et il étudie la théologie naturelle, c'est-à-dire un bouquin qui en gros dit, qui essaie de prouver l'existence de Dieu en montrant la perfection des machines que sont les êtres vivants, quoi. Et l'argument principal, c'est de dire, si les êtres vivants sont des machines, c'est qu'il y a forcément eu un suprême ingénieur pour les construire, pour les mettre au point, pour les faire fonctionner, quoi. Donc le suprême ingénieur, évidemment, c'est Dieu. Et à l'époque, l'idée d'évolution, elle est très peu présente, quoi. Même si Lamarck avait déjà publié son livre, il était relativement marginal et peu connu. Donc voilà, c'est vraiment la perspective religieuse de la création à laquelle finalement Darwin, après son long voyage autour du monde, commence à s'attaquer. Donc Darwin se pose des questions en réaction à ses lectures théologiques, et pour ça il essaie de comprendre comment les espèces ont pu se former en dehors de l'intervention divine, donc de manière, on pourrait dire, naturelle entre guillemets, de manière à l'aide d'un mécanisme qui serait purement matériel et où il n'y aurait pas d'intervention divine ou de force surnaturelle qui ferait apparaître les espèces, quoi. Sa problématique, c'est vraiment comprendre comment les espèces sont adaptées à leur milieu. Et donc voilà, il élabore le mécanisme de la sélection naturelle. Et c'est l'idée que dans les espèces, il y a de nombreuses variations individuelles, etc. Et que ces variations, ces différences sont sélectionnées au bout d'un moment par les circonstances du milieu, par la lutte pour la vie, etc. etc. Darwin, à son époque, n'emploie pas du tout le mot évolution. Il emploie le terme de descendance avec modification. Il ne fait pas une théorie de l'évolution, il fait une théorie de l'adaptation, de la genèse des espèces, de l'origine des espèces, comme s'appelle son livre, mais pas une théorie de l'évolution des espèces. C'est seulement après, par la suite, qu'on en fera une théorie de l'évolution. Il y a eu quelques confusions sur l'interprétation de l'œuvre de Darwin, comme sur l'œuvre de Lamarck d'ailleurs. Mais c'est quelque chose qui est très différent. Alors Lamarck, lui, fait une véritable théorie de l'évolution, même s'il n'emploie pas non plus le terme d'évolution, parce qu'à l'époque, le terme d'évolution n'avait pas le même sens que du temps de Darwin. Mais c'est une évolution qui est plus basée sur l'activité propre des êtres vivants. Il y a deux tendances à l'œuvre chez les êtres vivants, selon Lamarck. La première tendance, c'est la complexification croissante des organismes, c'est-à-dire qu'ils ont, comme le dit Lamarck, des facultés plus éminentes et des capacités plus développées au fur et à mesure que l'évolution progresse. Et il y a une autre tendance qui est une tendance à la diversification, c'est-à-dire qu'en fonction des circonstances que rencontrent les êtres vivants, ils développent des formes, des organes différents, etc., etc. On peut dire que d'une certaine manière, Lamarck il tient beaucoup plus compte de l'activité autonome des êtres vivants. Il y a d'un côté une vision où il y a un développement, une dynamique interne à un organisme vivant ou alors à une espèce, et puis de l'autre une vision un peu plus mécaniste où c'est l'environnement en fait qui agit sur l'organisme vivant en sélectionnant ce qui est adapté, ce qui n'est pas, ce qui effectivement paraît une vision qui se rapproche plus de l'être vivant comme machine ou comme objet, en tout cas comme objet. Ouais, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'en gros, il y a deux courants qui se dessinent dans la biologie à cette époque-là. C'est ceux qui conservent l'idée d'animal-machine, et d'autres qui voient le développement de manière un peu plus épigénétique, c'est-à-dire en fait que le développement s'auto-engendre par lui-même, quoi. Et en fait, Darwin, d'une certaine manière, il arrache l'être vivant à la théologie et donc à la sphère religieuse, et il arrive à l'introduire dans le giron de la science de son temps comme une hypothèse qui est valable et qui est détachée de toute force surnaturelle. Et ça, grâce justement au mécanisme de la sélection naturelle qu'il met en avant, à savoir le côté variation intérieure des êtres vivants et sélection de ces variations par l'environnement, par le milieu et par la lutte pour la vie entre les êtres vivants, quoi. Et donc, le problème n'est pas de dire que cette vision-là elle est fausse, parce que effectivement la sélection naturelle se manifeste entre proie et prédateur, ça c'est à peu près évident. Mais on en a fait la seule explication de l'évolution en négligeant toute la partie dynamique et active des êtres vivants dans leur existence, quoi. C'en est au point même qu'il y a, je cite dans la brochure, un historien des sciences qui s'appelle Laurent Loison, et qui lui avait fait un article où il compare justement les idées de Lamarck et celles de Darwin, et en conclusion il dit pour préserver la logique darwinienne, enfin la doctrine darwinienne, il ne faut pas prendre en compte l'être vivant individuel, il faut écarter le côté actif de l'être vivant. En gros, il faut continuer à être aveugle à l'organisme. Ça veut dire, en gros, pour préserver les idées de Darwin sur l'évolution, il faut surtout pas faire de la biologie, quoi. C'est-à-dire surtout pas chercher à savoir ce qu'est un être vivant et comment il se développe, comment il fonctionne, etc., etc. Alors, c'est qu'on arrive à des considérations assez paradoxales pour pouvoir conserver une idée qui finalement est certainement juste quelque part, mais qui est insuffisante à rendre compte de la réalité dans sa totalité, quoi. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Zinzine dans cet entretien avec Bertrand Loire au sujet de sa brochure « Le vivant, la machine et l'homme ». Et je vous lis maintenant un extrait du chapitre intitulé « Avancer à reculons ». En qualifiant le darwinisme, la génétique et la biologie moléculaire d'idéologie scientifique, il ne s'agit pas de prétendre que ces théories sont entièrement fausses. La sélection naturelle se manifeste assurément dans certaines conditions, mais la lutte pour la vie due à la rareté des ressources alimentaires ne constitue pas le seul rapport des êtres vivants entre eux. Certains gènes obéissent bien aux lois de la génétique découvertes par Mendel, mais cela est surtout vérifié dans les cas les plus simples. L'ADN code bien les protéines et régule l'expression de certains gènes, mais de nouveaux mécanismes d'expression, de régulation des gènes et de formation des protéines ont été découverts depuis. Et surtout, si la biologie moléculaire explique bien comment les protéines sont formées à partir des gènes et décrit précisément quelques autres cycles biochimiques, le mystère reste entier de savoir comment, à partir de ces composants et processus élémentaires, se forme et se maintient un organisme entier. Surtout, ces trois idéologies scientifiques ont en commun d'exclure le métabolisme cellulaire et la physiologie des organismes comme déterminants actifs au profit d'éléments matériels ayant le rôle de système de commande. L'activité du métabolisme est négligée, réduite au rôle de simple exécutant du centre de contrôle de la cellule vivante, le noyau, le patrimoine génétique, l'ADN. Et bien que démentie par de très nombreux faits, l'idée de programme génétique continue à hanter la biologie moderne. En en faisant une machine, la biologie moderne soutient une conception fixiste de l'organisation du vivant. Toutes ces modifications ou évolutions sont le produit de facteurs externes au vivant, indépendants de son activité propre, involontaire, incident et contingent. La conservation de l'être vivant dans son être est conçue comme la conservation de l'identité de l'être vivant, c'est-à-dire de diverses constantes physiologiques, de ses structures et de son information génétique. L'être vivant passe alors son temps à tenter de se conserver dans un environnement hostile, à lutter contre les changements délétères de son milieu et contre les autres organismes. Dans cet extrait, tu mets en avant le terme de métabolisme. Et puis tu parles aussi d'autonomie du vivant. Bah ouais, c'est en opposition à cette conception complètement mécaniste du vivant, où comme dans une machine un peu perfectionnée, il y a forcément un centre de commande qui régit tout le reste de la machine. Pour la biologie moléculaire, c'est justement l'ADN et tout ce qui concerne le noyau de la cellule. Alors que justement autour, il y a tout le métabolisme qui est réduit au rôle, en tout cas dans la biologie moléculaire, qui est réduit au rôle de simple exécutant des instructions et des ordres que donnerait l'ADN. Et bon, ça en est même au point où pour l'origine de la vie, il y a énormément de scientifiques qui n'imaginent pas autre chose que la première origine de la vie, c'est d'abord l'ADN ou une de ses variantes, l'ARN, qui serait apparue en premier, et ensuite les cellules vivantes, etc. Pour eux, le métabolisme n'est absolument rien, et c'est le centre de commande qui est l'ADN, qui contient l'information génétique, qui est tout. Et là, c'est carrément une vision du vivant qui est directement apportée de la cybernétique, c'est-à-dire ce qui s'est développé après la Seconde Guerre mondiale, où on concevait les machines automatiques avec justement l'ordinateur comme centre de commande. Et bon, c'est une métaphore qui est encore extrêmement puissante de nos jours, au point où tout le projet du décryptage du génome humain, c'était dans cette idée de lire le livre de la vie qui aurait été écrit dans la molécule d'ADN. Sauf que voilà, 10 ans après la fin de ce projet de génome humain, non seulement il y a le génome humain contient moins de gènes que celui du riz, par exemple, mais en plus, ils sont pas beaucoup plus avancés sur la compréhension de toute la physiologie humaine. Et il y a visiblement autour de l'ADN, il y a aussi autre chose qui fait que l'être vivant ne se réduit pas à une machine commandée par l'ADN. Mais pourtant, il y a extrêmement peu de scientifiques de nos jours qui mettent en avant le métabolisme comme quelque chose qui pourrait réellement participer à l'existence des êtres vivants, autrement que de manière passive, évidemment. Remettre un petit peu en selle cette idée que c'est le métabolisme qui en quelque sorte détermine plutôt la lecture de l'ADN que le contraire. C'est un boulot assez considérable. Et donc Pichot a un petit peu parlé d'autonomie du vivant, en tout cas dans un de ses derniers bouquins, comment on peut étudier scientifiquement quelque chose qui se donne à soi-même ses propres lois, puisque c'est la définition de l'autonomie. Donc en l'occurrence, le vivant se donne à soi-même ses propres règles de conduite, et il y a quelques autres scientifiques qui ont étudié la question, notamment sur le côté du métabolisme, à savoir que voilà, ce serait plus des cycles biochimiques qui s'engendrent les uns les autres que juste à un truc purement linéaire où l'ADN donne des ordres au métabolisme, quoi. Et donc à l'intérieur de ces cycles biochimiques, évidemment l'ADN joue son rôle, mais l'ADN serait réduit là à un rôle de banque de données ou de recette de cuisine, on pourrait dire même, où le métabolisme viendrait piocher pour créer ses propres constituants, quoi. Donc là on est dans une vision beaucoup plus dynamique et beaucoup plus active aussi de l'ensemble du vivant. Et donc parler d'autonomie du vivant, c'est vraiment remettre au centre l'activité autonome des êtres vivants eux-mêmes, et le fait que voilà, ils sont à l'origine de leur propre activité eux-mêmes. Et en fait, Pichot propose une définition en disant en gros que ce qui distingue les êtres vivants des objets inanimés et des machines, c'est d'une part cette activité autonome-là, mais que en gros cette activité autonome, elle est une auto-organisation de la matière qui est parvenue au degré où elle est capable de s'engendrer elle-même, quoi. Et en gros, Pichot dit, pour caractériser l'être vivant, c'est un processus physico-chimique qui en est venu au point de se distinguer radicalement de ce qui l'entoure, c'est-à-dire des processus qui sont purement physico-chimiques, qui ne sont incapables de s'auto-organiser ou de s'auto-engendrer, quoi. On peut revenir après sur cette idée d'autonomie par rapport à l'environnement, en fait, comment l'être vivant se sépare, se distingue de son environnement. Mais juste pour revenir sur le mot métabolisme, le métabolisme, c'est la façon dont l'être se nourrit, se développe, assimile la matière extérieure à lui-même pour transformer sa propre matière. Mmh. Et dans cette notion de métabolisme, il y a l'idée de malléabilité aussi, c'est-à-dire que en fait, l'être vivant, il va, suivant les circonstances, il va pas avoir tout à fait les mêmes métabolisations de la matière. Ouais. Bah, c'est là on touche vraiment la différence entre la machine et le vivant. Dans une machine, même les plus perfectionnées, on a toujours des rapports fixes entre les différents éléments, entre les différents rouages. C'est toujours des rapports fixes et déterminés une fois pour toutes dans la machine. Tandis que dans l'être vivant, justement, il y a cette capacité du métabolisme et de la physiologie des organismes un peu plus complexes de se recomposer. Les rapports entre les différents éléments sont pas toujours fixes. On voit ça dans le développement embryonnaire, où il y a vraiment différents stades, où il y a des réorganisations assez considérables de l'organisme parfois. À l'intérieur des cellules, les cycles biochimiques peuvent aussi se transformer, se modifier dans leur rapport réciproque, etc. L'évolution aussi montre que les êtres vivants sont capables d'acquérir des fonctions nouvelles ou développer des fonctions qui existaient déjà, etc. Et que ce qu'une machine est totalement incapable de faire. On touche vraiment la différence fondamentale entre les deux, c'est-à-dire que l'organisation du vivant, c'est une organisation qui est elle-même dynamique. Le vivant, justement, il a la capacité de recomposer son organisation dans une certaine mesure, et aussi de recomposer les rapports avec son milieu et avec les autres êtres vivants. Et du coup, il y a toujours du nouveau qui peut apparaître, des surprises qui peuvent se manifester, et en créant de nouveaux rapports, il transforme son environnement, et il est capable d'avoir une influence assez considérable sur ce qui l'entoure et sur lui-même aussi, quoi. Donc on n'est pas dans une vision figée, harmonieuse de la nature ou de l'être vivant, mais dans quelque chose qui est vraiment dynamique et qui demande à être pensé d'une manière très différente que ce que la science classique qui étudie des objets inertes et morts, c'est-à-dire des objets inanimés, arrive à penser, quoi. On n'est plus du tout dans la même logique, une cause, une conséquence, et on est plus dans une logique où une multiplicité de causes et d'environnements et de conditions peuvent créer diverses réponses en fonction des individus, de choses relativement insignifiantes du milieu, etc., etc. Donc on est plus dans quelque chose qui est mouvant et dynamique, et qu'il s'agit de penser d'une manière, on pourrait dire dialectique, c'est-à-dire en essayant de comprendre les ressorts de cette activité plutôt qu'en essayant de la mettre dans des schémas mathématiques, logiques et quantitatifs, comme le fait la méthode scientifique expérimentale qui est encore majoritairement utilisée en biologie. Concernant la notion d'autonomie du vivant, c'est une notion qui est elle-même dialectique, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait, il y a, comme qui dirait, une espèce de contradiction à la base, c'est-à-dire l'autonomie, ça veut dire se donner à soi-même ses propres règles de conduite, et du coup, quand on parle d'autonomie, on a souvent tendance à confondre avec autarcie, c'est-à-dire se suffire à soi-même. Et en fait, l'être vivant n'est pas du tout autarcique, il est vraiment autonome dans le sens où il est dépendant de l'environnement pour sa nourriture, l'air qu'il respire, etc., etc., pour sa reproduction aussi. Et de cette dépendance, l'être vivant arrive à obtenir une indépendance et à se donner ses propres règles de conduite pour avoir un comportement qui est le sien et pas forcément dépendant du milieu, quoi. C'est-à-dire, en fait, l'être vivant est dépendant d'un certain nombre de matériaux pour son existence, et une fois qu'il a constitué des réserves, son activité déploie de manière autonome, c'est-à-dire de manière indépendante des conditions du milieu. Pas de manière totalement indépendante, évidemment, mais en tout cas, le comportement des animaux, par exemple, il est clairement pas entièrement dicté par le milieu. Ils ont leur propre capacité à chercher dans le milieu ce qui les intéresse, à chercher la nourriture, un partenaire, etc., etc. Et ce comportement-là, il est dicté par au moins chez les animaux un peu évolués, par une représentation qui leur est propre du milieu. Et leur comportement résulte pas uniquement, en tout cas, de réflexes et d'une pure réaction aux stimuli du milieu. Donc plutôt que d'avoir une sélection naturelle de l'environnement, donc qui exerce une pression sur les êtres vivants, on voit qu'il y a une dynamique chez les êtres vivants qui vise à acquérir une certaine forme de liberté par rapport à l'environnement. Oui, justement, c'est quelque chose que la logique darwinienne arrive pas du tout à intégrer. C'est le côté que, au cours de l'évolution, les capacités qu'acquièrent les êtres vivants, c'est des capacités qui leur permettent d'avoir des relations de plus en plus riches avec leur milieu, de mieux appréhender leur milieu, et donc d'être plus indépendant aussi des aléas qu'ils peuvent rencontrer dans ce milieu. Là aussi, on touche une fois de plus la différence entre la machine et le vivant. La machine n'est pas dotée de capacités de relation en elle-même, quoi. Tandis que l'être vivant, même le plus élémentaire, et c'est d'abord et avant tout un être de relation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'activité sans sensibilité, et que chez l'être vivant, il n'y a pas d'activité non plus sans relation avec le milieu, et sans capacité à comprendre, ne serait-ce que d'une manière extrêmement sommaire, ce qui se passe dans le milieu. C'est-à-dire même les bactéries, elles savent reconnaître des composés chimiques qui sont dans leur milieu et elles ont des réactions en fonction de ça en se disant ah là il y a peut-être de la nourriture, là il y a peut-être un danger, etc. etc. Et donc ces capacités de relation, elles se développent au cours de l'évolution puisque c'est ça qui permet aux êtres vivants de devenir de plus en plus autonomes vis-à-vis du milieu. C'est-à-dire non pas de s'abstraire du milieu, mais au contraire de s'insérer dans le milieu encore plus. Et d'être capable de le comprendre et de l'utiliser de manière de plus en plus intelligente, on pourrait dire. Ça, c'est la logique darwinienne est complètement imperméable à ce genre de raisonnement, parce que pour la logique darwinienne et l'idée de l'être vivant machine, ces capacités, elles sont acquises par hasard, quoi, en gros. Tandis que justement, l'idée d'autonomie de l'être vivant, elle se base sur une conception de l'être vivant qui fait de l'être vivant d'abord et avant tout un être de relation. Et donc, le développement de ces capacités jusqu'à l'intelligence humaine, c'est pas un développement fortuit, même s'il emprunte des chemins parfois très contingents, aléatoires, etc. Mais ça appartient en propre à la dynamique des êtres vivants qui ont tout intérêt à développer de telles capacités parce que ça leur permet de survivre de mieux en mieux et même de sortir de la survie pour pouvoir développer une liberté d'action et d'activité, quoi. Donc là, on en arrive au mot liberté et tout ça veut dire que, par exemple, même les bactéries jouissent d'une certaine forme de liberté de choix dans leur petite vie. Donc, En tout cas, c'est ça. ils sont plus libres que par exemple les roches, les cailloux, qui eux sont entièrement soumis aux aléas de l'environnement et qui ont aucune capacité d'agir sur l'environnement. C'est ça qui fait vraiment la différence et qui fait que tous les êtres vivants sont ce qu'on appelle en philosophie des sujets, c'est-à-dire que des êtres actifs qui ont la capacité, dans une certaine mesure, de faire leur histoire eux-mêmes, quoi. Donc tout ça a des implications Ouais. philosophico-politiques extrêmement intéressantes. Bah oui, parce que depuis 2 siècles, la biologie a servi à justifier beaucoup de choses dans l'ordre justement politique et social. On entend dire que parfois la domination de l'homme sur la femme c'est quelque chose de naturel, ou des conneries comme ça. Mais aussi, voilà, au cours du 19e et du 20e siècle, il y a eu tout un tas d'idéologies qui sont appuyées, soi-disant, sur la science pour essayer de justifier un ordre social, un ordre politique. Bon, il y a déjà, avec Darwin, il y a tout de suite le darwinisme social qui apparaît. C'est-à-dire la colonisation ce qu'on appelle maintenant les pays en voie de développement. Bon, il y a aussi eu l'eugénisme avec la génétique au XXe siècle, dont le programme en gros était d'adapter les êtres humains à la société industrielle qui commençait à poser un certain nombre de problèmes au plan social et politique. Et puis de nos jours, voilà, il y a la biologie moléculaire. Qui a donné naissance dans les années 70 à la sociobiologie, qui essayait de réduire les différences sociales à des problèmes génétiques, qui essayait de réduire la plus ou moins grande intelligence des gens à la possession de tel ou tel gène, etc. Enfin, en gros, qui essayait de réduire les comportements sociaux, comme l'homosexualité, l'alcoolisme et des trucs comme ça, au fait de posséder ou non des gènes, etc. Bon, en France, on a par exemple Geneviève Fioraso, la ministre de la Recherche, qui se fait le relais de la biologie de synthèse. Biologie de synthèse qui prétend recréer des êtres vivants, mais sans les inconvénients des êtres vivants. C'est-à-dire en fait éliminer la complexité des êtres vivants réels pour en faire des êtres vivants qui produisent des petites molécules ou qui servent à des fins médicales ou militaires d'ailleurs. Et donc voilà, les dernières parties de cette brochure, je les ai consacrées un petit peu à faire cette critique de cette volonté d'utiliser la biologie pour faire non seulement des êtres vivants des machines, mais en plus de faire de cette définition du vivant un modèle pour la société dans laquelle on vit, c'est-à-dire réduire tout le fonctionnement social et politique à des problèmes purement technologiques. Ou en tout cas qui peuvent être résolus par des solutions technologiques, et faire de ce fait-là, de la société, une immense machine, et des êtres humains, des rouages dociles dans cette machine, quoi. face à cette volonté de réduire l'homme et la société à la machine, qui est le propre du capitalisme industriel. Justement, moi je mets aussi en avant cette idée d'autonomie et d'autonomie du vivant au sens large, puisque ce coup-ci ça regroupe justement le domaine social et politique, dans le sens où depuis des millénaires, toutes les sociétés ont été organisées hiérarchiquement, donc avec des chefs et des dirigés. Et l'idée d'autonomie, elle peut être aussi utilisée pour organiser la société différemment. Et là, ce coup-ci, c'est pas une projection de l'ordre biologique sur l'ordre social, puisque l'idée d'autonomie, justement, est en contradiction avec l'idée d'ordre de la nature. En mettant en avant l'idée d'autonomie du vivant, on évacue un petit peu, on évacue beaucoup l'idée qu'il existerait un ordre de la nature, c'est-à-dire un ordre qui viendrait justifier un certain nombre de choses dans le domaine social et politique, comme ça a été utilisé surtout au XXe siècle. Et on met plutôt en avant l'idée que il y a une organisation à l'intérieur de la nature, mais cette organisation, elle peut être multiple et très variée, et que surtout elle peut très bien se passer d'une hiérarchie au sens où il y a des dominants et des dominés, au sens où il y a des classes dirigeantes et des classes dirigées. À partir de cette idée-là, il n'y a plus d'ordre qui tienne, c'est plutôt le côté il faut s'organiser sur une base beaucoup plus égalitaire ou démocratique, où chacun peut participer de par son activité propre et autonome à la vie de la société, et de préférence d'ailleurs de manière collective. La brochure termine avec un chapitre qui s'appelle « Conditions de l'homme ». Et voilà, l'idée, c'est un peu de revenir sur la place de l'homme dans la nature. Et cette place de l'homme dans la nature, les biologistes modernes ne se posent quasiment pas la question, alors que pourtant c'est un sujet passionnant. Et plutôt que de considérer que c'est le cyborg qui est l'aboutissement de l'évolution, moi je reprends plutôt la phrase d'Élisée Reclus, qui est un géographe anarchiste de la fin du 19e et du début du 20e siècle, qui dit l'homme et la nature prenant conscience d'elles-mêmes. Et c'est-à-dire qu'en fait, à travers le modèle de la machine, le monde moderne essaye de nous dire que en fait, la liberté, ça consiste à se détacher de toutes les nécessités matérielles, de toutes les contraintes d'ordre social et politique. C'est-à-dire qu'il faut rester derrière son écran d'ordinateur et essayer d'agir sur le monde à travers cet écran, et surtout pas essayer de s'impliquer politiquement avec d'autres personnes, etc., parce que c'est compliqué, parce que les autres personnes seront pas comme nous, elles sont insaisissables, etc., etc. Donc l'idée en gros que il faut laisser le soin à d'autres loin, qui sont loin, voire même à des machines, le fait de construire le monde dans lequel on habite. Et donc, moi, ce que je veux dire avec cette fameuse phrase d'Élisée Reclus, c'est exactement le contraire, c'est que c'est à nous tous, c'est à chacun d'essayer collectivement de faire en sorte que le monde qu'on construit soit notre monde, et pas celui construit par des machines ou par des nécessités techniques et économiques de gens qui décident pour nous très loin, et sur lesquels on n'a strictement aucune prise. Donc voilà, c'est un appel à l'autonomie et à la liberté, et aussi à la réappropriation de ce que j'appelle les arts, les sciences et les métiers, histoire de construire quelque chose qui en vaille la peine, plutôt que de laisser le monde se dégrader comme on le voit de nos jours. Boum. Merci. Ouais, il n'y a pas de quoi. Donc, le vivant est anarchiste, en fait. À bloc. And then great Mario took out with a claymore and a bottle and ran down the mountain stair, tickling the fiery horror that was falling around her feet. Never, he cried, never! C'était Le Vivant et la Machine, un entretien avec Bertrand Loire, une émission spéciale de Radio Zinzine, avec en fond sonore plusieurs morceaux des Pink Floyd. La brochure qui a fait l'objet de cette interview est toujours disponible. Elle a pour titre Le Vivant, la Machine et l'Homme. Mais entre-temps, ça a donné lieu à un livre qui a été écrit par Bertrand Loire. Les êtres vivants ne sont pas des machines, c'est paru aux éditions La Lenteur en 2018. Et c'est un livre qui expose la partie critique sur la biologie moderne, dont cette brochure était un aperçu. Je vous lis la quatrième de couverture du livre. Aujourd'hui, plus que jamais, la conception de l'être vivant comme machine est indissolublement liée au fait que nous vivons dans une société capitaliste et industrielle. Elle reflète ce que les instances qui dominent la société voudraient que le vivant soit, afin de pouvoir en faire ce que bon leur semble. Et une citation d'André Pichot qui est aussi en quatrième de couverture. Faute d'un cadre théorique solide, les biologistes ont pris l'habitude d'imaginer toutes sortes d'applications techniques mirifiques à partir de deux idées bancales et de trois expériences semi-ratées. Pour le reste, ils tiennent plutôt des pieds nickelés, la sainte trinité de la biologie moderne. Ribouledingue, le technicien inculte, Philochard, l'affairiste boursicoteur et sa start-up de génomique, et Croquignol, le journaliste qui bat le tambour et appâte les gogos en annonçant que grâce aux gènes, au clonage et aux cellules souches, on va guérir le cancer, la myopathie, l'Alzheimer, la migraine et les corps aux pieds. Voilà André Pichot qui est assez critique sur la biologie moderne et dont ce livre de Bertrand Loire, Les êtres vivants ne sont pas des machines, s'inspire assez largement ainsi que d'autres auteurs critiques sur cette dérive de la biologie moderne vers des applications techno-scientifiques. Donc un livre que je vous recommande chaudement et que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies puisque les éditions La Lenteur ne sont pas distribuées par exemple par Amazon. And the wind cried, "Man." Thank you.